vous en voulez beaucoup à mon mari, mon cher Crevel, et vous seriez cependant son meilleur ami si vous aviez trouvé sa femme faible. » Elle lança sur Crevel une œillade brûlante. Mais alors elle fit comme Dubois qui donnait trop de coups de pied au régent. Elle se déguisa trop, et les idées libertines revinrent si bien au parfumeur qu'il se dit « Voudrait-elle se venger de Hulot ? Me trouverait-elle mieux en mer qu'en garde nationale ? Les femmes sont si bizarres !» Et il se mit en position dans sa seconde manière, en regardant la baronne d'un air régence. « On dirait, dit-elle en continuant, que vous vous vengez sur lui d'une vertu qui vous a résisté, d'une femme que vous aimiez assez pour l'acheter, ajouta-t-elle tout bas. « D'une femme divine, reprit Crevel en souriant significativement à la baronne, qui baissait les yeux et dont les cils se mouillèrent. « Car en avez-vous avalé des couleuvres, depuis 3 ans, hein, ma belle ?»« Ne parlons pas de mes souffrances, chère Crevel. Elles sont au-dessus des forces de la créature. Ah, si vous m'aimiez encore, vous pourriez me retirer du gouffre où je suis. Oui, je suis dans l'enfer. Les régicides qu'on tenaillait, qu'on tirait à 4 chevaux, étaient sur des roses, comparés à moi, car on ne leur démembrait que le corps. Et j'ai le cœur tiré à 4 chevaux. » La main de Crevel quitta l'entournure du gilet, il posa son chapeau sur la travailleuse, il rompit sa position, il souriait. Ce sourire fut si niais que la baronne s'y méprit, elle crut à une expression de bonté.